réponse. Ah, c'est bon. Ah, bah, tu sais que la bonne journée avec mon postal français là-bas. C'est juste que moi, je suis pas du tout nouvelle technologie. Voilà. Thank you. pouvoir mieux.